par décision du ministère royal de la guerre, en accord avec le ministère royal des affaires intérieures, l'armée renforcera les gardes frontières pour empêcher durablement, d'une part, l'intrusion dans notre pays d'éléments indésirables, d'autre part, la propagation des idées fallacieuses de la Révolution. Empêcher, un vœu pieux, car j'ai peur qu'on ne puisse pas arrêter des événements historiques élémentaires de portée forcément universelle. Si je me mets là, il se mettra ici. Si je me mets ici, il se mettra là. Échec. Pas bon sens, j'ai complètement oublié le roi. Tu as oublié le roi, tu as tout oublié. Voici justement un récit très intéressant d'un témoin oculaire de l'assassinat du roi. Il est mort en roi. Quelle foutaise. Comment un roi peut-il mourir autrement qu'en roi, puisqu'il est roi? Échec au roi. Tu connais Kitty? Qui c'est Kitty? Si tu ne la connais pas, c'est sans intérêt. Elle est serveuse à l'homme sauvage. Je ne te comprends pas du tout, mon gars. À 1 kilomètre de chez nous se déroule un des événements les plus importants de l'histoire de l'homme. L'ouragan de la Révolution balaie des siècles et toi, tu me demandes si je connais Kitty. Je suis garde frontière, je m'occupe pas de politique. Les révolutions, ce n'est pas de la politique, mais de l'histoire. Tu ne connais donc pas du tout Kitty? Je t'en prie, fiche-moi la paix. Kitty a les plus grandes jambes de la Terre. Et les plus grandes oreilles. Matt, je ne vous comprends vraiment pas, les gars. Un monde nouveau, né de lui-même pendant que vous êtes là, à jouer aux échecs et à vous occuper des grandes oreilles d'une serveuse. Monsieur, du nouveau. Rien à signaler, mon lieutenant. La populace, là-bas, elle a encore tiré. Rien que des tirs de joie, mon lieutenant. Quand il y a de la joie, il y a souvent des cadavres, des cannibales. Du nouveau, à part ça? Une arrestation, 4 personnes. Pendant la patrouille, j'ai rencontré des gens près du ravin. 2 hommes et 2 femmes. Des réfugiés? Soi-disant, ils s'étaient égarés et tournés en rond. Ils n'avaient pas de papier sur eux. Comme au cours de l'arrestation, l'un des hommes s'est montré particulièrement récalcitrant, nous avons procédé à une fouille et nous avons trouvé sur la personne de la femme ces perles-ci. Si ce n'est pas du toc, c'est que vous avez arrêté de véritables hommes. Ou des voleurs. Sans papier, c'est difficile de faire la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites entrer tous les quatre. Lequel d'entre vous connaît Kitty? Qui c'est Kitty, mon lieutenant? Kitty va avoir un enfant. Elle prétend que le père est garde frontière, mais... elle ne sait plus lequel. Attention, messieurs. Il faut mettre bon ordre à cette affaire. D'une façon. Ou d'une autre. Ou encore d'une autre. Et les 2 femmes? Ma femme s'est effondrée. Et l'autre? L'autre est restée dans la cellule pour soigner la comtesse qui est malade. Je crois qu'elle ne fait pas semblant, mon lieutenant. Elle est couchée par terre et ne bouge pas. Appelle un médecin. Je vous remercie, monsieur. Approchez. Votre nom? Comte Almaviva. Profession? Grand corrigidor et agent diplomatique au service de mon malheureux roi. Consul à Londres, à Lisbonne et à Rome. Asseyez-vous, je vous en prie. Je proteste. Je sors d'un enfer. Je remercie le ciel de m'avoir sauvé et voilà qu'on me traite en criminel. Comme vous avez franchi sans papier ni autorisation notre frontière hermétiquement fermée, je me vois dans l'obligation d'entamer une procédure administrative. S'il s'avère que ce passage illégal constitue un acte de légitime défense caractérisé, vous n'aurez rien à craindre. On m'aurait massacré. J'en suis convaincu. Chez nous, c'est la bête qui gouverne. Des cannibales. En ce qui concerne mes papiers, je vous demanderai d'observer que j'ai l'honneur et le plaisir de compter au nombre de mes rares amis votre sous-secrétaire d'État. Je le connais depuis Londres, où il était attaché commercial. Il pourra attester de mon identité.

doivent être renvoyés les premiers 15 du mois, tu peux pas te permettre d'avoir des enfants. Ce serait une légèreté coupable, aussi longtemps que ton existence repose sur l'humeur de ton maître. Vous entendez l'humeur du maître? Et pourtant ce brave homme grand Dieu ne saurait être soupçonné d'être un messager de la Révolution. Il la hait plutôt puisqu'il a fui devant elle. Ah, ah, ah, ah, ah, je vous demande pardon. La Révolution, je ne la hais pas. Pourquoi le ferais-je? J'ai suffisamment souffert et reçu de coups sur l'échine de la manière la plus intime pour me rendre compte que les maîtres, aujourd'hui chassés, avaient beaucoup à se reprocher. Il fallait une explosion. J'ai vu les éclairs qui annonçaient la tempête et j'ai prédit qu'elle allait se produire. Vous avez donc flirté avec la Révolution? Flirté? Moi, monsieur, jamais. Sachez que je fus le premier valet à dire la vérité à son maître. Pourquoi n'êtes-vous pas resté chez vous, puisque vous avez dit la vérité? Pour des raisons de nature strictement privée. Messieurs, quand j'ai discuté avec ma femme, fallait-il rester ou fuir avec nos maîtres? Elle m'a dit, la fidélité, ça existe. On n'a pas seulement des devoirs envers soi-même, mais également envers ses prochains, fussent-ils ses propres maîtres. Nous avions vécu le bon temps avec eux. Nous ne devions pas les quitter dans le malheur. Vous savez, ma femme est un être de cœur. En fait, vous avez fui uniquement à cause de votre femme. Peut-être. Souvent, je me demande pourquoi il existe deux sortes d'êtres humains, l'homme et la femme. Demande au bon Dieu. Dieu n'existe pas. Pourrais-je parler avec ma femme? Absolument. Merci. Ah, tu es là. J'allais justement te rejoindre. C'est drôle. Depuis 5 minutes, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Et moi, à toi, télépathie. Où as-tu été pendant tout ce temps? Je me suis entretenu avec ces messieurs. Je craignais que tu ne m'aies abandonné. Non. Comment va la comtesse? Mal. Qu'en dit le médecin? Il ne dit mot. Ah. Elle va bien guérir. Je ne sais pas. Tu es tellement indifférent. Je suis simplement nerveux aussi. La pauvre comtesse ne trouve pas l'apaisement. Elle a déjà eu une piqûre, mais elle entend des bruits de pas et croit tout le temps qu'on la poursuit. Ici, personne ne la poursuit. Ici règne le calme et le bon ordre. Je suis contente d'avoir franchi la frontière. De l'autre côté, c'est l'enfer qui règne. Vous n'avez pas idée, messieurs. Même dans vos plus folles inventions, rien que des crimes, des pillages, des assassinats... Doucement. Exagère pas. Exagérer? Moi? Ce qu'ils font, on le fait lors de toute révolution. Car du point de vue de la révolution, ça n'est que justice. Justice? Il existe deux sortes de justice. Tout l'un ou tout l'autre. Nous deux, par exemple. Personne n'aurait touché à un seul de nos cheveux. Nous aurions pu rester à la maison, comme toute ta famille. Antonio, Pedri, Franchette. Nous deux personnes ne nous auraient massacrés. Le pire qui aurait pu arriver, c'est que je devienne l'intendant du château. Intendant? Pourquoi pas? Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Non? Tu as oublié. Il faut que je retourne auprès de la comtesse. Dites-moi, mon très cher, pourquoi votre femme réagit-elle si différemment de vous à ces événements historiques de portée universelle? C'est qu'elle croit encore au bon Dieu. absolument que vous alliez voir ce film, monsieur. C'est un document historique unique. On voit parfaitement la tête et le revolver. Bon, il est mort. Fabuleux. Extraordinaire. Allez le voir aujourd'hui. Il paraît qu'il va être interdit parce qu'hier, on a applaudi. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit l'assassinat authentique d'un roi. C'est à quelle heure la séance? La dernière, à 10h. Faites-moi réserver 2 places. J'irai avec mademoiselle Mia. Allô? 2 places pour la dernière séance, s'il vous plaît. Au nom de la bijouterie Tenbrug. Plus que des corbeilles. D'accord. Dites, c'est bien toujours l'assassinat, hein? Il passe toujours. Ça marche. Messieurs... Pourrais-je parler à monsieur Tenbrug, le bijoutier? De la part de qui? Comte Almaviva. Un instant. Je me rappelle encore parfaitement cette porte tapissée. J'ai acheté ici la bague que la comtesse a perdue l'été dernier, tu te rappelles? Parfaitement. C'était lors de mon voyage de noces. Pourtant, ici rien n'a changé. Une maison conservatrice. Ça se sent. Oui. Monsieur le comte Désy. J'aimerais parler à monsieur Tenbrug. Lui-même. Vous? Je vous demande pardon, mais dans mon souvenir, vous êtes différent avec une barbe blanche. C'était mon papa. Ah bon? Quand avez-vous connu papa? Oh, il y a une éternité. En effet, il y a 18 ans qu'il est décédé. Décédé? Pour le reste, tout est comme autrefois. Oui, hélas, tout est assez vieillot ici. Le mois prochain, je transforme la boutique. Radicalement. Ah bon? Que me vaut l'honneur, monsieur le comte? Savez-vous qui je suis? À dire vrai, le nom évidemment m'est familier. Mais là, tout de suite, je ne saurais dire. J'ai émigré. Ces derniers jours nous ont causé quelques soucis et pas des moindres. Ma pauvre femme est tombée malade pendant notre fuite rocambolesque. Elle est au sanatorium du parc avec une grave dépression nerveuse. C'est affreux. Elle devra rester alitée 4 semaines. Après, nous partirons à la montagne, l'air des cimes. Je vous en dis sincèrement, je suis un passionné des sports d'hiver. Je vous demande pardon. Pour les sports d'hiver, nous serons à nouveau chez nous. Je considère la situation actuelle de mon malheureux pays comme intenable. C'est une révolte des instincts les plus barbares, donc un processus qui en soi est mauvais et qui très bientôt va forcément se désintégrer, étant donné le bon sens de notre peuple et surtout des paysans. Espérons-le. D'ici 2 mois au plus tard, tout sera fini. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le comte? C'est une affaire qui demande quelques discrétions. Je vous en prie. Oui. Connaissez-vous le prince Byzantski? Le gros ou le grand? Celui qui est un peu bête? Je ne connais que le gros. Lui est bête aussi. Hier, il nous a proposé un diadème, mais nous ne l'avons pas acheté. Un immigré sur 2 nous apporte au moins un diadème. On ne s'en sort pratiquement plus. Vous m'en direz tant. L'aristocratie de votre pays a été notre meilleure clientèle. Et maintenant, elle s'est évanouie. Je vous l'ai dit. Au lieu d'acheter, elle vend de la concurrence par-dessus le marché. Les prix ont chuté de manière fabuleuse. Tout est bouché avec les diamants. Avec les perles aussi? Encore plus avec des perles. Ça fait plaisir à entendre. Je ne crois pas qu'il y arrivera. On ne peut retenir la roue de l'histoire, encore moins la faire tourner en arrière. D'ici 2 mois, tout sera fini. Ridicule, pas vrai? Moi, on ne me questionne pas. Ça va durer 1000 ans. Alors c'est sans intérêt pour moi. Venez que je vous dicte un reçu. Un beau coup, ces perles. Un petit instant, monsieur le comte. Crapule. Déduction faite, cette crapule a acheté les perles. Oui, mais seulement au sixième de nos espérances. Au sixième seulement? Peu importe, je ne suis pas capable de marchander, seulement d'acheter. Monsieur le comte aurait dû me laisser négocier. Ce qui est fait est fait. Le collier n'est pas encore perdu. Bientôt, la comtesse le portera de nouveau. Touchons du bois. En tout cas, je me réjouis d'être débarrassé de ces répugnants soucis de menu argent et de pouvoir à nouveau vivre convenablement. Ce sixième nous permettra tout de même de vivre pendant 3 ans. 3 ans? Tu es fou? Tu veux que je m'installe dans un meublé bourgeois, peut-être? Plutôt en finir pour de bon. Le comte Almaviva continuera à vivre selon son style. Il s'offrira le luxe dont il a acquis le droit de jouir par la naissance. Pour lui, l'émigration ne sera qu'un voyage d'agrément. La populace va se rendre compte qu'elle ne peut pas l'importuner. Absurde, ce boutiquier avec ses 500 ans. Pas plus. Que le monde est myope. Non, l'avenir se présente nettement à mes yeux. Nous serons à la maison avant qu'il neige. Et je ferai tout mon possible pour raccourcir ce délai. Je mettrai tout en œuvre pour expliquer sans relâche. N'oublie pas de me rappeler que demain je suis attendu par mon ami le sous-secrétaire d'État. À 1h30, au ministère. Au ministère, grand Dieu. Qu'y a-t-il ? Je vous demande pardon, monsieur le comte. J'ai complètement oublié cette lettre que l'on a apportée ce matin. Du ministère. Je vous demande pardon. Lis. Qu'en dis-tu? Je m'y attendais. De belles paroles pour cacher une grande lâcheté. Il ne faut pas que je rende visite à mon ami au ministère, car l'apparition d'un éminent émigré pourrait éveiller le soupçon qu'ils ne sont pas tout à fait sincères quant à ce traité commercial. Enfin, j'écrirai donc des articles sur les traités louches avec les barbares. Article sur article, puisque je maîtrise la matière, je relève le défi. Je crains qu'on ne publie pas ces articles. Alors je parlerai dans les réunions. On les interdira. Tu crois? Ou alors monsieur le comte parlera devant des salles vides. Et pourquoi? Parce que personne ne voudra se brouiller avec les barbares. Soit par sympathie, soit par peur. Suzanne a dit un jour que tu savais prédire l'avenir. Moi aussi, je sais le prédire. Méfie-toi. Je ne vous comprends pas, monsieur le comte. Un homme qui aujourd'hui prétend faire partie de mon entourage quotidien ne doit pas toujours me donner son avis, même s'il est juste. Il doit plutôt me mentir par une approbation inconditionnelle. Car par les temps qui courent, une vérité n'est souvent qu'une critique voilée. Je me charge personnellement de la critique voilée. Votre reçu, monsieur le comte. Les malheurs passent toujours, madame la comtesse. Les bottines vous vont à merveille. Elle me sert. Ça va passer. Le professeur de patinage attend, madame la comtesse. Je suis prête. Où est le comte? Monsieur le comte se trouve au casino. Il devrait faire du sport plutôt que de jouer sans arrêt. Il ne fait que perdre. Amusez-vous bien, madame la comtesse. Mets-toi au soleil, Suzanne. Viens, Figaro. Nous allons nous installer confortablement.

Que tu es devenu craintif. Ce n'est pas de la lâcher. L'avenir m'impressionne. Moi, le comte s'occupera de moi. Personne ne doit s'occuper de toi sauf moi. Je reste. Quoi? Tu veux me laisser tout seul alors que j'ai fui uniquement à cause de toi? Ce n'est pas vrai. Par fidélité pour le comte, toi aussi tu... Peut-être, mais je serais aussi resté si tu étais resté. Finalement, ma seule raison d'émigrer, c'était toi. Je suis un émigré par fidélité conjugale et rien d'autre. Où est la comtesse? Elle danse sur la glace. Figaro est si nerveux aujourd'hui. Ah! Est-ce le fun ou bien vous êtes-vous encore disputé? Non, monsieur le comte, nous sommes d'accord. Voilà qui mériterait d'être applaudi. Monsieur le comte, vous aviez écrit article sur article et tenu des conférences contre les nouveaux maîtres. Ça n'avait pas de sens, je m'en suis aperçu. Les nouveaux maîtres se renverseront mutuellement d'ici 4 semaines au plus tard. Et s'ils ne se renversent pas, monsieur le comte? Je ne vous aurais pas posé une question aussi peu préoccupante si je ne devais me préoccuper de l'avenir et m'occuper de ma femme, que ça lui plaise ou non. C'est mon devoir numéro un. Monsieur le comte, à votre place, je prendrai une participation dans un café qui rapporte, il y en est encore temps. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces propositions lascives? C'est la nécessité qui les dicte. Tu es dans la nécessité. Monsieur le comte, il est devenu fou. Il veut demander son congé. Son congé, voilà ce qu'il veut. Son congé? Monsieur le comte, on est le premier aujourd'hui. Qui veut rester chez moi peut s'en aller à tout moment. Accordé. Merci, monsieur le comte. Où voulez-vous aller? Par entrée tout de même. Très peu pour moi, monsieur le comte. Méfie-toi, si tu rentres en émigré, tu y laisses ta tête. Monsieur le comte, malheureusement, il existe 2 sortes de justice. Tout l'un ou tout l'autre. Mais il y a aussi 2 sortes d'injustice. Tout l'un ou tout l'autre. C'est dans la nature des choses. Donc, vous ne voulez pas rentrer au pays? Il veut redevenir coiffeur. Coiffeur? Monsieur le comte, je voudrais m'établir à Grand Bisbille. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, d'accord. Combien de temps as-tu été à mon service? 9 ans, monsieur le comte. Je regrette de me séparer de toi, je m'y attendais. Je sentais depuis un moment que tu faisais de la résistance passive. Je vous demande pardon, ce n'est rien qu'instinct actif de conservation. Il y a une seule chose que je ne supporte pas, mon cher Figaro. Tu es devenu bourgeois. Oh, monsieur le comte, dans ma vie, j'ai eu si souvent l'estomac vide que le mot bourgeois s'est vidé de toute son horreur pour moi. Ah, déjà rentré du casino. Alors, qu'avons-nous perdu aujourd'hui? Figaro et Suzanne. Meine alte Katze. Herzentanzt, wahrscheinlich nicht. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Ma femme ne fait que s'avoler. Vous auriez peur. Pour être franc, un rasoir dans des mains aussi délicates, cela m'inquiéterait. Oh, quel compliment, professeur. Que dit le latiniste? Veni, vidi, vici. Ce qui signifie? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vous savez le latin? À usage domestique seulement, professeur. Je suis un autodidacte. Oh, pas si fort, ma chère. Mon crâne n'est pas de la pâte à pétrir. Oh, pardon, madame la pâtissière. Tout doux, tout doux. Sinon, vous allez détruire le chef-d'œuvre de votre mari. Je m'en garderai bien. Faites attention, j'ai un bouton, là. C'est... Vous êtes un génie. Demain soir, vous viendrez, n'est-ce pas, madame Figaro? Où ça? Vous ne savez pas? L'association humanitaire organise sa soirée théâtrale. Ma petite Irma tient le rôle principal. Elle est mignonne. Mmh, mignonne. Mon mari viendra certainement. Ma femme ne se sent pas bien. On n'a pas idée. Alors que tous les notables seront là. On ne vous voit vraiment pas beaucoup, ma petite dame. Bien, au revoir. Mes respects, madame la pâtissière. Mes respects. Pierre Dalin, l'onction, serviette chaude. Haute Cologne, Italie. Voilà. Il faut le reconnaître, je ne suis jamais tombé dans les mains d'un barbier aussi adroit. C'est un mystère pour moi que vous exerciez à Grandville. Les hasards de la vie, professeur. Les salons de toutes les métropoles auraient dû se battre pour employer pareil talent. Peut-être, mais pour ce qui est de m'employer, plus question. Je suis mon propre maître. Je m'échine jour et nuit, mais je tiens à la liberté. Elle vous avance à quoi, votre liberté, si vous vous échinez sans cesse? À rien. Croyez-moi, Grand Bisbille n'a pas son pareil. C'est la mort. Cela dit, au revoir à tout le monde. Mes respects, professeur. Mes respects. Quel imbécile. Il a raison. Suzanne, il faut que nous parlions sérieusement. Il en est grand temps. Depuis 9 mois que nous avons repris ce salon, mon savoir-faire a drainé tous les notables du coin qui, du pasteur à la sage-femme, se font raser, friser, coiffer, manicurer. J'ai même introduit la pédicurie, etc., etc. Le plus difficile n'est pas de conquérir la clientèle, mais de savoir ne pas la reperdre. Ce qui ne tient pas seulement à l'art de raser, de coiffer, mais à de certaines astuces diplomatico-psychologiques. Se pencher humainement sur sa clientèle, s'intéresser à ses affaires, se ranger à son jugement, flatter sa vanité, partager ses soucis, rire quand elle rit, pleurer quand elle pleure. C'est ça, ta liberté? Ne m'embrouille pas, s'il te plaît, laisse-moi finir. Être hypocrite n'est pas la moindre manifestation de ma liberté. Il faut l'être. Sinon, nous nous retrouverons dans le caniveau. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est important. Au gymnase, l'autre jour pendant le bal, tu as failli ignorer la femme du maire. Elle parlait tout le temps de sa hernie. C'était insupportable. Hernie par-ci, hernie par-là, tu dois le supporter. Tu as une responsabilité. Il est bien évidemment de ton devoir d'aller demain soir à la soirée théâtrale de l'association humanitaire. La femme du pâtissier

neige. L'hiver qui revient. Pourvu qu'il soit doux, le bois a augmenté. Le facteur est-il passé? Attends-tu quelque chose de précis? Oui, une réponse du journal. Il serait temps. Aujourd'hui, nous paierons les factures. Quand on frappe, je suis prise de peur. 15 jours que nous n'avons plus réglé la moindre facture. Un comte Almaviva ne reste débiteur de personne. Le courrier, monsieur le comte. Pour toi et pour moi du journal. Qui t'écrit ? Suzanne. Suzanne ? Je t'ai pourtant demandé de ne plus correspondre avec eux. Je ne corresponds pas. Regarde l'enveloppe. Adressée à l'esplanade et réexpédiée. Esplanade Carlton Regina. D'étape en étape. De palier en palier. Tu as encore la nostalgie de l'esplanade ? Troisième étage meublé au bon soin de Madame Bader. Madame Bader est une brave femme. Oui, elle a pitié de nous, atroce. Tu as encore beaucoup à apprendre. Les études sont derrière moi. Non, nous sommes encore sur les bancs de l'école. Fût-ce dans une grande classe, peut-être même à l'université. La petite Suzanne, vois-tu, elle n'en est qu'à apprendre à lire et à écrire. Elle a peur, comme tous les enfants. Quand on la laisse seule dans le noir. Nous n'avons plus peur, n'est-ce pas? Tu es devenue si courageuse. J'ai changé. Dieu merci. Que dit Suzanne? Elle aimerait quitter Figaro. Le quitter, pourquoi? Parce qu'il a changé. Il la trompe? Non. Mais il ne vit plus que pour son salon, paraît-il. Et néglige leur amour. Pauvre Suzanne, elle demande si elle pourrait revenir chez nous. Revenir chez nous? Comme femme de chambre. Elle a la nostalgie de ce qu'elle a connu. Le journal m'a écrit qu'il ne voulait pas de mes mémoires pour son feuilleton littéraire. Pas plus que pour le supplément du dimanche. Un comte Almaviva se propose et on n'en veut pas. Son nom est gommé, sa vie se perd dans les brumes. Quelle impertinence! J'ai un style archaïque, d'après ce que m'écrivent ces prolétaires. Alors que personne de nos jours n'est plus capable de rédiger une phrase correctement, rien que des scribouillards. Tiens! Pourquoi n'irais-tu pas faire un tour au café? Je n'ai pas d'argent. J'en ai encore un peu. Allons, vas-y. Qu'y a-t-il de prévu pour le dîner? Pour toi, c'est prêt. Moi, je ne dînerai pas. Tu ne vas pas jeûner, tout de même. Il est très bon pour la santé de sauter un repas de temps à autre. Vas-y. Une partie d'échecs te changera les idées. Aujourd'hui, je suis encore ton petit. Que vas-tu répondre à Suzanne? Je lui écrirai qu'elle ne doit pas perdre courage. Tout en glissant sur notre situation? Je glisserai. Adieu. Chère Suzanne, la place d'une femme est auprès de son mari. Faites-vous jeudi, Suzanne? Comment ça, monsieur le garde forestier? Jeudi, c'est la Saint-Sylvestre. Une nouvelle année. Mon mari et moi, nous irons à l'auberge de la Poste. Alors moi aussi, j'irai à l'auberge de la Poste. Vous aimez danser? Oui. Pourtant, on ne vous voit nulle part. Dans aucun cercle, à aucun bal. Il n'y a pas de danseur à Grand Bisbille. Bien vrai. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas de Grand Bisbille. Je suis seulement en poste ici. Moi aussi. Alors, nous sommes des compagnons d'infortune. Quand je ne suis pas dans la forêt, je m'ennuie à mourir. Vous êtes le seul homme à vous laisser raser par moi. Et votre mari? Il se rase tout seul. Où est votre mari? Il est couché. Toujours après déjeuner. Et vous, vous ne vous couchez pas? Chacun son tour. Vous ne couchez donc jamais ensemble? Je suis donc le seul à me laisser raser par vous. Oui. Je n'ai pas peur, moi. Par vous, je me laisserai même trancher la gorge. Mon Dieu, le bain de sang, hein? Et votre fiancée, qu'en penserait-elle? Un fiancé à la gorge tranchée? Elle devra s'habituer à tout. Lotion ou serviette chaude? Serviette chaude. Bien chaude. Tout ce qu'il y a de plus chaud. Arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? Tout ce qu'il y a de plus naturel. Laissez-moi, espèce de... Je vous tranche la gorge pour de bon. Mais tranche la française, vas-y! Écoutez, mon mari, s'il se réveille, je vais l'appeler. Mais vas-y, appelle. Personne ne t'entendra, à part moi. Une bête. Une bête. Allez-vous-en, ou c'est moi qui m'en vais. Tu as une belle bouche. Je m'en vais. Vite fait. Si tu vas vite, hein. Moi aussi je vais vite, je te rattraperai. Jamais. Demain. Après le cinéma. Hein? J'ai oublié de payer. 40. Voilà. Merci. Les lunettes par terre. Chère Suzanne, la place d'une femme est auprès de son mari. Bonjour, Madame Figaro. Vite, une petite indéfinissable. Il faut que je reparte tout de suite. Ça marche, cette affaire. Gentiment, merci. Oh, je n'en peux plus, moi. Tout ce travail. 5 accouchements en une semaine. Dans 2 fois des jumeaux. Rien que ça. L'homme le plus costaud ne tiendrait pas. À ce rythme. Notre bonne ville de Grand Bisbille sera vite une métropole. Et mes pauvres boucs qui sont tout aplatis avec toutes ces cigognes. Une véritable invasion. Ah, je sors de chez Basile, le boucher. Elles ont apporté à sa femme une petite fille, un peu prématurée. Il n'empêche que Madame Basile connaîtra bien des joies avec la petite. Elle est née sous de bons signes. Mercure en Capricorne. Vous êtes versée dans les étoiles? Oh, je suis versée dans tout. En mai, c'est quoi? Mai est régi par Vénus dans le taureau. De qui s'agit-il? De moi. Ah bon? Et votre mari? On n'en sait rien. C'est un enfant trouvé. Ah! Les étoiles ne jouent pas le même rôle chez les seigneurs et maîtres de la création. L'homme change facilement, mais reste toujours un bandit. Parfois, on dirait même que l'homme est né sans étoiles. Cela fait combien de temps que vous êtes mariée, ma jeune amie? 7 ans. Ah, déjà? Oh, mais ça ne se voit pas. Méfiez-vous, le 7 est un sacré numéro, hein. Dans tous les ménages, tous les 7 ans, ça se gâte. Une fichue règle métaphysique. Mais pourquoi n'avez-vous donc pas d'enfants, vous deux? Vous pourriez vous permettre d'en avoir. Le meilleur salon à 100 lieues. Je voudrais bien, moi. C'est la faute de mon mari. Vous vivez bien comme mari et femme. C'est rare. J'ai pourtant tellement insisté. Je crèverais sans enfants. Mais il ne m'écoute pas, radicalement pas. On va s'en occuper. Il va voir. Croyez-moi, j'ai connu des cas semblables. Écoutez, ma jeune amie. Vous allez trouver votre mari et le mener en bateau. Voilà tout. Vous affirmerez catégoriquement que ses craintes ont malgré tout abouti. Que voulez-vous qu'il réponde ? Rien. Vous le connaissez mal. Que voulez-vous qu'il y fasse ? Un cas de force majeure. Il se sentira victime d'une mystification de cette chère nature et ne craindra plus rien, puisqu'il n'y aura plus de raison. La solution du problème, à savoir l'anticipation des conséquences, voilà l'œuf de Colomb. Combien je vous dois, ma jeune amie ? Je vous serai reconnaissante toute ma vie. 80. Nous nous reverrons en septembre. Mars en balance. Félicitations. Adieu, Madame Figaro. Au revoir, madame. Quel est donc de temps la plaine, ce grand bruit qui vient jusqu'à nous. On dirait un bruit de chaîne, que l'on traîne sur les cailloux. C'est le grand Lustre du Cru qui passe, c'est le grand Lustre du Cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Une indéfrisable, c'est tout. Oui. C'est curieux qu'il n'y ait pas plus de gens à vouloir se faire couper les cheveux avant le jour de l'an. Ils débarqueront encore tous le samedi après-midi de Saint-Sylvestre et on sera obligé d'en renvoyer la moitié à la concurrence. Bon sang, bonsoir. De ces quatre, je mettrai la question à la chambre de commerce. Et messieurs les professeurs, il faudrait bien aussi d'expliquer aux parents de ne pas toujours nous amener les enfants le samedi après-midi. À cause d'un chenapan, on est obligé de laisser filer les plus belles barbes alors que la coupe enfant ne rapporte rien. Qu'est-ce qu'il fiche par terre, ce rasoir-là ? Un rasoir sale ! Quel foutoir ! Je n'aurais pas oublié ma mallette par ici. Ah ! La voilà, Dieu merci. Il serait étonnant que quelque chose se perde chez nous, madame. Petite surprise qui me serait revenue chère. Et les cigognes seraient restées le bec dans l'eau. À propos de surprises qui reviennent chères, vous savez, monsieur Figaro. Voilà. Je ne lui ai encore rien dit. Je ne comprends pas un trop mot. Je n'ai pas pu te le dire. Ce qui signifie, il n'y a rien que tu ne puisses dire à ton mari à quelque heure du jour ou de la nuit. Il n'y a que après le déjeuner que je souhaite ne pas être dérangée. Elle a cassé quelque chose ? Au contraire, monsieur Figaro. Une heureuse nouvelle. Une heureuse nouvelle ? Allons, du courage. Écoutez. Voilà, maintenant c'est dit. Félicitations, félicitations. Au revoir, ma jeune amie. C'est vrai? Oui. De qui? De qui? Tu demandes? Tu me crois capable de te faire cocu? Non, évidemment pas. Pourquoi le ferais-tu? Tu ne manques de rien. Excuse-moi. Je suis troublé. Quel malheur! Malheur? Tu voudrais que j'exulte? Tu es inhumain. Combien de fois devrais-je te répéter que je ne suis pas inhumain? J'ai simplement le sens des réalités et je sais prédire l'avenir comme tu le sais. Veux-tu que du haut du ciel je voie mourir mon fils à la prochaine guerre? Je crois que pour le ciel, tu as trop le sens des réalités. Tu iras en enfer. Tu m'en laisseras juge, d'accord? Si on veut avoir la conscience tranquille, on ne peut pas se permettre à notre époque d'avoir des enfants. Tu ne lis donc pas les journaux? Tous les deux jours, un nouveau gaz, des rayons mortels, des lance-flammes, tout le monde y passera. C'est encore à Grand Bisby qu'on tiendra le plus longtemps. Pas de base militaire dans les environs, pas de carrefour important, pas d'aéroport, rien qui vaille la peine d'être détruit. Ils détruiront quand même ce qui n'en vaut pas la peine. Et les tremblements de terre feront le reste. Nous vivons une époque de grande migration, Suzanne. Et personne jamais plus que nous deux aura le droit de dire, après nous, le déluge, mets un enfant au monde, vas-y, accouche. Il vivra au milieu d'un paysage lunaire, entouré de cratères et de vapeurs toxiques. Il va falloir que je parle à cette brave sage-femme. Elle saura trouver une solution. Parle-lui, vas-y, parle-lui. Je ne veux plus d'enfant de toi. Si jamais j'en ai un, j'irai me terrer comme une chienne pour que tu ne saches pas où ton enfant est venu au monde. Pour que tu ne lui jettes pas un sort, car tu ne lui souhaites pas la vie. Jamais je ne te ferai voir mon enfant. Voilà tout ce que tu mérites. Tu es la mort. La mort. Une coupe, s'il vous plaît. Bonjour, belle dame. Qu'est-ce qu'elle a? Des humeurs. Chercher partout. Pourquoi rester là toute seule? Dans 20 minutes, c'est le nouvel an. On danse? Non. Je voulais justement te dire que je ne peux plus danser avec toi. On nous a épiés hier, après le cinéma. Je viens de l'apprendre. On sait que tu es venu chez moi. Il faut tout nier. Ah bon? Et ça ne te fait ni chaud ni froid? Je m'en étais douté. Tu t'en étais douté? J'avais pressenti que nous ne danserions plus. Il a eu ce qu'il méritait. Qui ça? Figaro. Oui, il faut que je le quitte. Pour aller où? Loin, de Figaro. Voyez-moi ça. Tu cherches une cause de divorce? Alors c'est pour le quitter que tu es venu chez moi hier après le cinéma. Et rien d'autre. Tu m'entraînes dans un adultère pour parvenir à tes fins. Sans te soucier du reste! C'est pas vrai! Ne crie pas. Je te le dis. Si tu continues à me compromettre ici, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu serais pas la première à... Tue-moi! Cela te procurerait peut-être du plaisir. Mais reprends-toi. Bon Dieu! Je suis allée chez vous parce que vous me plaisiez. C'est tout. C'est tout? Tu ruines mes perspectives de mariage. Car quelles honnêtes gens confieraient leur fille à un homme impliqué au vu et au cieux tous dans un adultère, et cela n'est rien. Mais je dirai tout! Tout! Non. Pourquoi non, je te prie? C'est tout enfumé là-dedans. Dans 20 minutes, c'est le nouvel an. D'ici là, je serai morte, asphyxiée. Nous devons faire attention aux gens, Suzanne. Gardons du moins les formes. Je me fiche de tes formes. Ne m'énerve pas encore, tu veux? Les gens chuchotent déjà. Toujours, les gens. Oui, toujours et à jamais parfaitement. Pourquoi nous disputer? Tu le sais bien. Tu sais aussi que je ne veux pas de dispute. Tu veux avoir ta petite tranquillité? Tu as deviné. Je vais mettre un terme à notre dispute, Figaro. Avant-hier, je t'ai menti. Je n'attends pas d'enfant de toi. Comment ça, pas d'enfant? J'ai dit ça comme ça, pour que tu aies enfin pitié de moi. Ce n'était qu'une mystification. Une mystification? Oui, ta femme voulait te mystifier pour que toi, homme magnifique, tu la fasses mère. À présent, c'est fini. L'homme avec qui elle voudrait avoir un enfant n'habite pas à Grande-Visbille. Je t'en prie. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Il se penchait sur moi. Son ombre était immense, trois fois comme le monde. Je l'ai parfaitement reconnu. Qui ça? Mon grand amour. Qui était-ce? Il est mort. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelait Figaro. Figaro? Oui. Mon Figaro était confiant dans l'avenir, même quand l'orage menaçait. Il courait à la fenêtre quand la foudre tombait, alors que toi, tu ne sors pas sans parapluie, même s'il y a seulement quelques petits nuages. Mon Figaro, accroupi en prison pour avoir écrit la vérité, toi, tu n'oserais pas lire ses écrits, même en cachette. Mon Figaro fut le premier à dire son fait à un comte Almaviva, au sommet de sa puissance. Toi, tu gardes les formes, un grand bisbille. Tu es un petit bourgeois. Il était un citoyen du monde. Il était un homme, alors que toi... Tu ne peux pas, après 7 ans de mariage, déterminer sans autre forme de procès si je suis un homme ou non. Pour moi, en revanche, il est établi que tu es une menteuse et non pas une mère. Plus femme de chambre que femme d'affaires, toujours à se mirer devant la glace, alors que c'est le foutoir à la boutique. Vaniteuse, géniarde, coquette, superficielle. Superficielle, tu as dit superficielle. Extérieurement et intérieurement, nous savons à quoi nous en tenir. Tu l'as peut-être su, aujourd'hui tu as tout oublié. Voilà du monde, maîtrise-toi. Mes respects, messieurs. Salut Figaro, tu me l'as raté ma coupe aujourd'hui. Pas possible. Voilà ce que c'est quand on a l'esprit ailleurs. Je vais bien évidemment réparer votre coupe, monsieur Basile. On peut tout réparer, même les pieds accros dans les ménages, tout, sauf une coupe ratée. Il faut d'abord qu'il repousse quelques cheveux. Tu vas y aller maintenant. M'apportes-tu cette danse? Même raté ma coupe. Bon, enfin seul. Ma femme a toujours peur que j'ai une attaque quand je picole. J'ai peur, moi. J'ai peur que si elle entrait là maintenant, ce soit elle qui ait une attaque. Ne parle pas du loup. Mon bon, mon vieil ami. À la santé de qui buvons-nous, messieurs? De votre petite fille, monsieur Basile. Bravo! Vous croyez que le coiffeur sait déjà? Oh, sûrement pas, puisqu'il lui parle toujours à sa femme. Moi, si ma femme me faisait cocu, je te la saignerais tout net. Mais avec un étranger comme le barbier, il faut s'attendre à tout. Sa femme le fait cocu tant et plus, et lui, il l'emmène au bal. Il tient à garder les formes. Ah, les formes! Tu parles, ces gens-là n'ont aucun sens de l'honneur. S'il la saignait, sa chère Suzanne, que ne diriez-vous pas? Nous autres, grands bisbillois, rien ne nous satisfait. Nous aussi, nous avons nos faiblesses. Nous pouvons nous permettre l'instit. Et nos faiblesses ne regardent personne. Mais un étranger doit être sur ses gardes s'il veut faire ses choux gras chez nous. Je n'arrête pas de le dire. C'est la faute des seigneurs femmes. Elles nous mettent au monde et puis nous font passer dans l'autre. Ciel, mon épouse. Ah, le voilà, l'adorable mari. Je ne le quitte pas des yeux, sinon il va encore se saouler. Il fera son attaque et moi, j'aurai les pires ennuis. Elle commencerait bien la nouvelle année. Ces messieurs se racontent des plaisanteries. C'est mon mari qui raconte, là. Je la connais, sa plaisanterie. Il n'en sait qu'une seule qu'il raconte depuis des lustres. Personne ne rira. Vous ne semblez pas connaître toutes les plaisanteries de votre mari. Adalbert ? Adalbert ! Qu'y a-t-il encore, Joséphine ? Tu as raconté une plaisanterie et tout le monde a ri ? C'était pas une plaisanterie, nous parlions simplement de Madame Figaro. Hier, elle l'a fait cocu, son cher Figaro. Comment ? Bah, vraiment. Après le cinéma. Mais c'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Moi, cela ne me surprend absolument pas. Je m'attends à tout avec cette pimbèche. Elle a le vice chevillé au corps. Avec qui est-ce qu'elle l'a fait cocu ? Avec le gars forestier. Avec ce beau gaillard ? C'est une honte ! Elle séduit cette garce ! Elle n'a pas dû faire tomber de fort que ça pour le séduire ! Vous connaissez mal les femmes, professeur. Je connais très bien ce garde forestier. Je sais qu'il se comporte à l'égard des femmes avec beaucoup de retenue. Un être distingué, modeste, excellent de famille. Il y a longtemps que je le dis. On n'aurait jamais dû laisser venir ces émigrés. Ils ne font que miner notre moralité. Très juste. Lui, passe encore, mais elle, une véritable affection. Lui non plus ne vaut rien. Il m'a complètement raté ma coupe. Monsieur le pâtissier, c'est vous que je cherche. Vous avez affirmé qu'hier ma femme m'a fait cocu. Moi, je n'ai rien affirmé du tout. Ah, évidemment qu'il l'a affirmé. Vous, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas d'affaires qui ne vous regardent ni David ni d'Adam. Mon mari n'a jamais rien affirmé du tout. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, compris? Et si vous lui parlez sur ce ton, vous allez me l'énerver. Et il la fera, son attaque. Et vous pourrez tirer un trait sur notre clientèle. Je m'en fiche! Ma femme a été attaquée dans son honneur. J'exige réparation. Vous n'avez rien à exiger du tout. Immigré à un manque. Vous exigez. Estimez-vous heureux qu'on vous ait offert l'hospitalité et que vous puissiez rater la coupe de nos cheveux, étranger de mes deux. Si nous n'étions pas là, vous auriez crevé. Très juste et pertinent par-dessus le marché. Partons, l'instit. Je ne suis pas votre instit, mais le professeur. Compris. Bien, Albert. Le paiera l'instit. Quant à vous, c'est uniquement parce que vous n'avez pas de concurrente que vous pouvez vous permettre de prendre parti pour ces étrangers. Vous mériteriez qu'on s'éteigne tous à grand bisbille. Monsieur Figaro, ne prêtez pas attention aux gens. Ils sont mauvais, je les connais tous. Faites confiance à votre femme. Mais vous devez changer votre comportement. Qu'est-ce qu'il a, mon comportement? Vous faites fausse route. Elle vous aime beaucoup, vous savez. Monsieur Figaro! J'ai eu vendre un esclave ici. D'homme à homme, j'ai possédé pas mal de femmes. mais de ma vie, jamais une femme mariée. Ne serait-ce qu'en raison d'un certain sens de la solidarité masculine, je me garderai toujours de ce genre de choses. Je n'ai pas de talent pour les ménages à trois. J'ai rencontré votre femme hier, par hasard, au cinéma, et c'est tout. Parole d'honneur ? Absolument. Eh bien, vous voyez. Pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai rien à te pardonner, Figaro. Tu es cocu. Humanité. Ah, bon. Au nom de l'humanité, la Ligue internationale d'aide aux émigrés, par-delà tous les partis, classes, races et confessions, en appelle à ton bon cœur. Soulage le sort cruel des émigrés auxquels ils sont livrés sans défense. Car l'émigration détruit tout. La foi, l'amour, l'espérance. Combien d'entre eux se découragent, dérivent, se suicident? Que tous ceux d'entre vous qui sont trop heureux de posséder encore une patrie et incapables d'imaginer le malheur qu'il y a à la perdre, les aident en apportant leur obole. Adhère à la Ligue internationale d'aide aux émigrés, à l'aide, à l'aide, à l'aide, compte chèque postal, numéro, voilà. Quoi ? Il reste de l'aspirine ? Non, mademoiselle. J'ai encore la tête, ça m'a fait éclater. Vous devriez fumer un peu moins. Sans cigarette, je ne suis pas un homme.

gendres, je suis un vieil homme, je n'ai plus longtemps à vivre. Alors je leur dirai pareil, tes copains du tribunal. Les temps de l'époque de son excellence, le comte Almaviva, ne reviendront plus. Dieu merci. C'était des temps meilleurs. Ah bon? Les innombrables crimes de ton excellent comte. Tu ne te rappelles plus les infamies révoltantes que cette excellente canaille a accumulées? Je te rappelle seulement avec quel brutal égoïsme il a satisfait à ses cyniques droits du Seigneur. Les pauvres filles du peuple étaient du gibier tout trouvé pour ses appétits les plus vils. Même Suzanne, la femme de son plus intime valet de chambre, a failli passer à la casserole avant la noce. Si seulement il était passé, ça aurait été bien fait pour Figaro, ce misérable traître à l'idée de peuple qui aide le comte à franchir la frontière. Un con qui consacrait tout son temps à satisfaire ses instincts bestiaux. Un vrai sadique. Si nous avions été comtes tous les deux, je crois que nous aurions aussi satisfaire. Nous n'étions pas comtes. Non mais, tu étais son pauvre jardinier martyrisé. J'étais quoi, moi, martyrisé? Et à cultiver les légumes les plus extravagants pour la table si raffinée de la comtesse. Et ta table, à toi, tu as bouffé des choux à chaque repas. Le chou conserve. Je n'aime pas le chou. Compris? Ni chou, ni navet. Sans garnement. Ce ne sont pas des garnements. Ce sont des pupilles du foyer national pour enfants résidant dans l'ancien château de ton excellent comte. Fourre-toi ça dans le crâne. Là où autrefois le passé fardé se livrait à ses frivolités, grandit aujourd'hui une race future, vigoureuse, joyeuse, libre et bien trempée. Ta race future est bien trempée, m'a chipé toutes mes pommes l'autre jour. Tu es un nihiliste, vieux et méchant. C'est pas toi qui vas m'offenser, qui tu es. Je vois que le futur, il n'y a pas plus idiot comme attendant. Et que dans les caves moisissent tous ces magnifiques objets d'art, tableaux, meubles, gobelins, ça t'en fiche. Le cœur brisé quand je pense aux caves. Pour moi, un être vivant vaut plus que tout l'art du monde. Dans quel bouquin t'as piqué ça? Si j'étais aussi inculte que toi, je mourrais de honte. Henri! Y'a le feu ou quoi? Devine qui j'ai vu? J'étais dans le parc à la fontaine de Neptune. Il n'y a plus de fontaine de Neptune. Il n'y a qu'une fontaine du 23 Vendémiaire. Fourre-toi ça dans le crâne. On s'en fiche. C'est ainsi que parle ma femme, ta fille. Va te faire voir. Je vais où je veux, continue. Ne me donne pas d'ordre. Je ne suis pas la garde nationale, moi. Je me trouve à la fontaine du 23 Neptune. Quand je vois quelqu'un traverser le grand pré, mon cœur cesse de battre. Un instant, je me suis dit, un revenant. Un revenant? En plein jour. Les êtres surnaturels, ça n'existe pas, continue. C'est un être en chair et en os d'un naturel qui n'a rien de surnaturel. Une vieille connaissance. Qui ça? Vous ne me croirez pas. Et parle à la fin. Ce misérable émigré ose revenir! Voilà le comble de l'impertinence! L'effronterie faite homme! La provocation la plus éhontée du siècle! T'en prie, ne monte pas sur tes grands chevaux! Tu n'es peut-être pas d'accord si je le fais coffrer? Tu es encore jaloux? D'un émigré? Pour qui me prends-tu? Ah! Vous êtes là! Bonjour, Fanchette! Bonjour! Mes respects, comment ça va? Mal! Nous ne t'attendions pas. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Très agréablement, même. La racaille des migrés, on a bien besoin de ça. Au revoir. Attends! Tu sais ce qui t'attend. Il n'y a pas grand-chose qui puisse m'attendre. Tiens, tiens. En fait, je n'ai émigré qu'à cause de ma femme. Je suis un émigré par amour. L'amour est un problème privé au titre de l'anarchie individuelle. Et tout ce qui est individuel, nous, politiquement parlant, on s'en contrefiche. Où est Suzanne? Aucune idée. Comment ça? Nous sommes divorcés. Divorcés? De corps et de biens, ça fait 6 mois. Tu la trompée. Au contraire. Et inversement. C'est elle qui t'a... En voilà une bonne. Pauvre Suzanne. Avec qui est-ce qu'elle t'a fait cocu? Avec le comte? Non, avec le plus commun des mortels. Il n'existe pas de mortel plus ou moins commun. Pour toi, c'est dans le crâne, monsieur l'émigré. Il n'existe rien que des mortels. Un point, c'est tout. Une idée fort belle. Mais hélas, vieillotte. Vieillotte. Depuis votre glorieuse révolution, il y a eu aux quatre coins du monde 26 autres bouleversements politiques plus ou moins glorieux. On privilégie à nouveau la thèse qu'il existe deux sortes de mortels. Mais console-toi, je suis persuadé que dans quelques années, tu redeviendras à la mode pour quelques années. J'ai comme l'impression qu'on voudrait philosopher. C'est interdit. Si chaque étranger se mettait à réfléchir ici, eh bien mon vieux, quel tohu-bohu sociologique ça ferait. Qui est cet étranger? Je ne suis pas un étranger. Tu m'entends? Je suis un enfant trouvé, il est vrai. J'ignore si je suis né ici, mais je sais que j'ai été trouvé ici. Hélas! Que tu le regrettes ou non, je suis ici chez moi, tout comme les arbres, les prés, l'eau, l'air, c'est compris? Ne t'avise pas de crier avec moi! Un émigré reste un étranger et il n'a pas de chez soi car il l'a trahi. Je n'ai pas trahi, imbécile. Je me souviens d'un certain Pédrille, le palefrenier du comte, et sans un certain Figaro, tu serais encore valet d'écurie. Qui t'a offert le premier livre où il était marqué noir sur blanc qu'un esclave ne devait pas obligatoirement rester un esclave pour l'éternité? Qui t'a appris à faire la révolution? Moi. Un certain Figaro. Sans un certain Figaro, le comte ne m'aurait pas filé entre les pattes. Qui lui a fait franchir la frontière? Toi, traître! Si je ne respectais pas tant la discipline révolutionnaire, je t'en flanquerais une! Arrêtez à la fin! Ne te mêle pas de ça, sinon il va y avoir un malheur! Qu'est-ce qui t'a fait, le comte? Il a violé ma femme. Violé? Si je l'avais attrapé, le comte, je l'aurais fait voir de toutes les couleurs. Tiens! Tiens! Tiens ça! Et maintenant, je m'en vais chercher la garde. Sauve-toi, je t'en prie, sauve-toi! Mon mari ne plaisante pas, crois-moi. Tu ne sais pas la haine dont il est capable. Une bête féroce. Figaro, je t'en supplie. Au nom de notre ancienne amitié, sauve-toi. Il te mettra en prison et tu perdras la tête. La tête. L'époque où une tête ne comptait pour rien est révolue. À présent, les petites têtes pas bêtes sont de nouveau à la mode. Les sentences capitales sont prononcées pour ne pas être mises à exécution. Les décapités remplissent la bourse et filent des tuyaux crevés au bourreau. Non, Fanchette. Figaro reste. Il a quitté Grand Bisbille pour le chemin de Damas, mais à Damas aussi, apparemment, il n'existe que des Grands Bisbillois. Il n'y a que le préfixe qui change. Au nom du peuple, Figaro, je t'arrête! Un instant. Avant de vous donner la peine de me mettre au fer, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce papier. Je voudrais t'épargner le ridicule que je réserve à celui-là. Ce qui signifie? Je te l'aurais épargné si tu n'avais pas été à ce point assez idiot pour me manquer de reconnaissance. Brigadier, avez-vous parcouru ce papier? À vos ordres. À mon commandement! Garde à vous! Présentez! Arme! Regarde à gauche! Gauche! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous présentez les armes? Silence! Silence? Je deviens fou, quoi! Un instant. C'est fini, Pédrille. Noir sur blanc, tu es mis à la retraite. À la retraite? Qui ça? Moi? Oui. C'est pas trop tôt. Donne-moi ça! Merci, brigadier. Regarde! Fixe! Reposez! Arme! Repos! En avant! Marche! Quoi? Alors là, je deviens fou pour de bon. C'est toi, le nouvel intendant? Ma petite Fanchette, Il est plus aisé pour un Figaro de passer à travers le trou d'une aiguille que pour un chameau. Fourre-toi ça dans le crâne, dromadaire. Il y a 3 semaines que je suis au pays. Je me suis mis à la disposition des nouveaux maîtres. Je leur ai tout confessé et ils m'ont pardonné mes péchés d'émigration, bien que je ne fusse pas particulièrement contrit. Ouais. La révolution s'est humanisée. La corruption a triomphé, c'est le règne du piston. Une base favorable pour des natures indépendantes à la recherche d'un second souffle. Ce sont de telles natures qui réussissent. Tu ferais bien de ne pas parler de nature, toi. Quel crime ai-je commis pour me faire éjecter aussi vite? Est-ce que je serais trop révolutionnaire? Peut-être. En plus, tu t'es trompé dans les comptes. Comment ça, trompé? Tu avais 48 enfants trouvés à ta charge au foyer. Or, tu as constamment lu le chiffre de droite à gauche. 84. Tu ne le dois qu'à moi si on ne t'a pas arrêté sur le champ, mon bon seigneur. Tu vois, je l'ai toujours dit, ça finira par se savoir. Toi, tais-toi. Qu'est-ce qui a acheté le piano à crédit, moi ou toi? Et qui est-ce qui a éclusé les traites au troquet, toi ou moi? Ne vous chamaillez pas, braves gens. Ce que vous faites, tout le monde le fait, y compris dans les plus hautes sphères. Ah, si je pouvais parler. Je pourrais parler, moi, mais je m'en garderais bien. Mes chers enfants, c'est avec une profonde émotion que je vous remercie de votre accueil bouleversant. Ne voyez pas en moi seulement le nouvel intendant, mais découvrez en moi votre ami. Moi, tout comme vous, je suis un enfant trouvé, un enfant du peuple. De mon temps, toutefois, il n'existait pas de foyer, j'ai dû frayer mon chemin, de mes propres ailes, et pour un morceau de pain dur et sec, j'ai souvent employé en un seul jour plus de jugeotes que le gouvernement tout entier. Celui de l'époque que nous avons balayé depuis, Dieu merci. Je rends hommage à mon honorable prédécesseur et le remercie du plus profond de mon cœur. Il se repose maintenant, ce vertueux héros de notre majestueuse idéologie. Je fais vœu de poursuivre, fidèle à son esprit, votre éducation morale et physique. Je veux vous guider sur les chemins ardus de l'abnégation. Je veux tremper votre volonté afin que vous soyez à même un jour de tout sacrifier. Votre sang vaut bien la famille, les amis, l'amour, au profit de l'intérêt général, pour lequel aucun sacrifice, même l'ultime, ne devrait, ne pourrait, ne saurait être assez grand. Eh bien, allez maintenant, en l'honneur de cet instant historique, vous n'avez pas école. Je rends hommage à la vaillante garde qui, à chaque instant, accomplit avec loyauté son difficile devoir. Merci, brigadier. Je rends hommage aux honorables éducateurs de notre bien le plus précieux, aux protecteurs et formateurs de la jeunesse. Ne l'oubliez pas, dès l'enfance, il faut marteler cette idée. Chacun consent au sacrifice où tout perd son sens. Ainsi, on élève l'individu dans son amour propre en lui faisant croire à son importance et récolte du même coup les fruits de son sacrifice. Nous serions tous plus heureux si nous étions à même de penser que nous ne devons pas obligatoirement aller mieux, mais que nous pourrions aller plus mal. Merci, messieurs. En vérité, ce jour, et le plus heureux de ma vie. Eh bien, ma cavée politique, cet horizon funèbre dont je t'ai gratifié, impressionnant, n'est-ce pas? Va te faire pendre! Un scandale! Compter quelques enfants en plus, ça ne devrait pas peser lourd à côté des mérites d'un vieux héros de l'intérêt général. Ma foi, je vais émigrer. Au troquet? Plutôt me saouler à mort que faire le macabre politique. Pourquoi ce silence, Fanchette? Ce n'est rien. Ça ne va pas? Si. Je suis simplement écœurée. Que tu mentes, ça, je le savais bien. Nous mentons tous. Mais que tu puisses à ce point mentir à tes enfants! Pourquoi pas? Ils sont notre avenir. Les enfants seront hommes. Des hommes comme vous, merci bien! Je suis ton père. On voit que tu n'as pas d'enfants. Tu ne pourrais pas les aimer. Moi, j'en ai deux. Et quand je pense qu'ils seront un jour entre les mains de menteurs comme toi, à toi, je ne les montrerai même pas. Ta Suzanne a une raison de te faire cocu. Tu trouves? Tu es corrompu jusqu'à la moelle. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas saisi l'essentiel. Depuis que ma femme m'a fait cocu, et de manière générale, depuis Grand Bisbille, je me suis rendu à l'évidence que rien dans ce monde n'est autant haï et méprisé qu'un homme honnête avec de la jugeote. Une seule solution, il faut choisir. C'est l'honnêteté ou la jugeote. Moi, j'ai choisi. Nous vivons une histoire où l'histoire est plus importante que l'homme. Hélas! Car une seule chose se situe au-delà de la corruption. C'est la grande énigme. Oui, une énigme. Qu'est-ce que c'est? On la cherche toujours, on ne la trouve jamais, pourtant, on ne cesse de la perdre. À toi, je dirai la vérité, mais à toi seulement, parce que tu m'as parlé si méchamment. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris. On cherche toujours, on ne trouve jamais, et pourtant on ne cesse de perdre. Qu'est-ce que c'est? Il a dit que c'était l'humanité. Thank you. J'ai l'impression que je suis le seul ici. Nous sommes un cabaret de nuit, monsieur. Nous n'ouvrons pas avant 10 heures. C'est plus tard que ça s'anime ici. Oui, après minuit. Êtes-vous princesse ? Moi ? Je me suis laissé dire que dans les bars d'émigrés, tout le monde est aristocrate. Le patron est duc, la pianiste baronne et la serveuse. Rien moins qu'une altesse. Je ne suis pas princesse. Toi, alors ? Rien. C'est triste. Triste. Bon, j'en viendrai peut-être après minuit. Au revoir. Belle mademoiselle de rien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Suzanne. Monsieur. Combien de fois te l'ai-je répété ? À quelqu'un qui te prend pour une princesse, fais-lui plaisir, réponds oui. Ou du moins souris-lui de manière équivoque. Le but de la vie n'est pas de priver les braves gens de leurs illusions, ni de ruiner notre chiffre d'affaires. À propos d'illusions, j'ai bricolé aujourd'hui une nouvelle chanson, en piochant à droite et à gauche. Elle parle d'un grand amour qui n'est pas payé de retour. Tu n'aurais pas une idée pour le titre ? Je ne suis pas poète, monsieur de Chérubin. Que penses-tu de Suzanne, comme titre ? Ce n'est pas un titre. Qui sait ? Elle fera peut-être le tour du monde. Si elle s'appelle Suzanne, sûrement pas. Nous verrons bien. Suzanne, ich hab dich lieb. Susanne, der meinen Trieb treibt mich hin zu dir, weit weg von mir. Der Frühling gibt's mir kund, Susanne, mein Herz ist wund. Mein Blut ruft nach dir drinnen hin. Sonne, mein Auge bricht, ich seh ein Himmelslicht. Im Tod denk ich dein, im Tod denk ich dein. Dank dir. Monsieur de Chérubin, je vous prierai de ne plus donner mon nom à vos compositions. Tu sais ce que tu es ? Oui, ingrate. Allons. Sans vous, je serais morte de faim. Allons donc. Si, si. Incorrigible. Je ne me remarierai jamais. C'était si terrible que ça ? Arrêtez. Je suis quelqu'un d'immoral. Je rends grâce aux personnes que je méprise. Celles que j'estime, je les trouve grotesques et s'en effet aussitôt. Ce sentiment ne m'est pas étranger, mais j'en suis venu à bout avec l'émigration. Avant, j'étais un grand noceur. Dis donc, depuis combien de temps sommes-nous loin de chez nous ? 200 ans. Au moins. Savez-vous quel jour nous sommes ? C'est aujourd'hui qu'il sort. Qui ça ? Le comte. Ça fait un an, jour pour jour, qu'il a été condamné en dernière instance.

Ça, c'est ma femme. Et ainsi de suite. Moi, à votre place, je rentrerai chez moi tout de suite. Où ça? Au fait, où habitez-vous? Vous connaissez l'hôtel de l'Esplanade et le Carlton? Je connais, moi. Je connais. Mes respects, monsieur l'inspecteur. Mes photos. Bonne nuit. Où est-il? Parti. Sans son chapeau? Les ivrognes ne se font jamais de mal. Un seul verre. Il ne tient plus l'alcool, voilà tout. Eh oui. Mademoiselle, passez demain au commissariat. Si le bon Dieu le veut, votre permis sera prorogé. Bonne nuit. Mes respects, monsieur l'inspecteur. Je n'irai pas au commissariat. Tu es folle? Je me fiche de mon permis de travail. Mais de quoi vivras-tu? Je vais répondre à une lettre. Quelle lettre? Une lettre que je promène avec moi depuis des semaines. J'aimerais savoir comment il a su mon adresse. Qui ça? Il m'a écrit de retourner auprès de lui, qu'il est très seul. Qui ça? Figaro. Qu'est-ce qu'il est devenu? Intendant du château. Il a des remords. J'ai posé le pied dans quelque chose de mou. Nous allons vers la pleine lune, comme autrefois. J'ai quitté le pays de mes pères pour ne pas me faire massacrer. Me voici qui rentre par cette même forêt pour ne pas me faire remettre en prison. Nécessité n'a point de loi. Aujourd'hui, je ne me demande plus quel crime j'ai commis pour devoir franchir clandestinement la frontière. Vous n'avez commis aucun crime, monsieur le comte. Oh, je me suis trompé. Dans 2 mois, tout sera fini. Figaro avait raison. Sommes-nous passés de l'autre côté? Je me rappelle chaque clairière. À droite, le lac. À gauche, le ravin. Le pire est derrière nous. Qu'est-ce que tu espères pour mon bien de toi? Comment ça? Penses-tu que ça se passera comme si l'on rien n'était quand je réapparaîtrai chez vous? Monsieur le comte, nous allons trouver Figaro en secret, lui demander où en est la situation. Ça a été que nous arrivions. Non, il n'en sait encore rien. J'ai voulu lui écrire, mais je n'ai pas pu. J'ai déchiré ma lettre plusieurs fois. Il faut que je lui parle. C'est attendant qu'il est devenu. Vous savez bien, monsieur le comte. Et moi qui suis devenu. Je vois une lumière. Là-bas! Je ne vois rien! Venez! Non! Il ressemble à un lit, l'arbre qui est couché là-bas. Oui, à gauche il y avait le lit, à droite le canapé. Elle dormait sur le canapé, il était trop court pour moi. Tu dors mieux maintenant. Il pleut! Suzanne, c'est toi qui l'as appelé, moi, personne ne m'appelle. Je reste. Ici? J'avais vraiment su pourquoi je t'ai suivi. Maintenant, c'est différent. Je le sais, je voulais rentrer chez moi. Monsieur le comte, compliquez-moi la situation. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette forêt? Voilà mon lit. Où êtes-vous? Monsieur le comte! Monsieur le comte, mais répondez! Répondez! Monsieur le comte! Maintenant! Vos papiers. Comment? Vos papiers, passeport ou équivalent. Qu'est-ce que c'est? Cessez vos plaisanteries stupides. Qui êtes-vous? Moi. Qui d'autre? Je suis le comte Alma Viva. Alma Viva? Oui. Au nom du peuple, je vous arrête. Dernier succès, en quelques jours, il a fait le tour du monde. Ah bon? J'ai l'impression que ces fariboles sont plus contagieuses que la poésie révolutionnaire. Le facteur est passé? Oui. Tiens. C'est tout? Qu'est-ce que tu attends au juste? Une lettre, affaire privée. Affaire privée? Pas possible. Tu ne vis que pour le château et les enfants. Dis-moi. Crois-tu que les enfants m'aiment? Cette question idiote, toujours. Les enfants, tu es leur dieu. Pour toi, ils iraient voler, piller, assassiner. Tu penses? Le facteur repasse quand? Demain, c'est férié. Ah. Bonjour, monsieur l'intendant. Mais respect, brigadier. Rien à signaler? Une arrestation d'importance. Un homme. Il a franchi la frontière clandestinement. Nous l'avons trouvé près du ravin. Il prétend être le comte Alma Viva. Quoi? Alma Viva? Pour l'amour du ciel! Où est-il? Nous l'avons enfermé dans la cave. Allons-y! Venez, venez! Ah, Pensette! Tu sais qui a vu? Je viens de la prendre au troquet! Le comte Alma Viva! Cet excellent juste-là reste ici! Je vais lui dire tout de moi! Ma femme. Mon pauvre, ne t'occupe plus de politique, tu veux? Un viol, ça n'est pas de la politique, non mais... Pedri, il faut que je te dise quelque chose, mais il ne faut pas que tu me méprises. Je t'ai menti. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il ne peut pas être question d'un véritable viol. Pas question, mais... Mais... Je l'ai donc simplement fait de moi un véritable cocu! Te fâche pas, s'il te plaît! Tu voudrais peut-être que je me réjouisse qu'il ne t'ait pas violé? C'est un monde qui s'écroule en moi! Des montagnes de théories et toute notion de droit! Je l'ai toujours dit, il n'y a que le troquet de vrai! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas me tendre, en tout cas! Tu vas divorcer? Pas question de divorcer, ne serait-ce qu'à cause de nos enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, après cet aveu, tu n'as radicalement plus à me dire quand et pour combien de temps j'ai le droit d'aller au troquet! Compris? Tu ne m'aimes plus. C'est dit! J'en prends l'entière responsabilité. D'accord, monsieur l'intendant. Cependant... Il n'y a pas de cependant qui tienne, un ordre est un ordre. À vos ordres, monsieur l'intendant. Monsieur l'intendant. Qu'y a-t-il? Le comte Alma Viva s'est accusé sur le sort, heureux. Qui a dit ça? Moi. Et un nom? Oui, c'est un criminel politique. Non, il ne sera pas fusillé. Il sera condamné à une peine de 6 ans à perpétuité. La perpétuité? Et pourquoi donc ferait-il condamné à faire fétuité? Parce que la prison à faire fétuité est une fête plus grave, c'est le fêtre qui l'a dit. Ah bon? Un de ces quatre, je lui donnerai une leçon particulière en humour, hein, à ce fêtre. Écoutez-moi, vous deux. D'un, allez casser des vitres plutôt que de parler politique. Et de deux, le comte Alma Viva n'est pas un criminel. Il est pourtant comte. Et toi, t'as déjà été comte, toi? Non. Tu vois? De quoi tu parles, alors? Je vous préviens. Si vous rencontrez le comte Alma Viva, Il faut le saluer correctement, être poli et gentil avec lui, car c'est un homme âgé. Et vous, vous n'êtes que des chenapins. S'il a commis des crimes, il ne vous a pas attendu pour être condamné. De manière générale, pourquoi voulez-vous fusiller un homme et le mettre en prison sans autre forme de procès? Vous n'avez pas honte? Méfiez-vous. Un jour, on déclarera peut-être que tout enfant trouvé est un criminel et que seuls existent les comptes. Ces comptes mettront les enfants trouvés en prison et les fusilleront. Allez, allez maintenant casser des vitres et que ça saute. Suzanne, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ma lettre? Il aurait mieux valu écrire. Qu'est-ce que je dis? Excuse-moi, je suis troublée, je ne réalise pas encore que tu es là. Ça fait des semaines et des semaines que j'attends cette lettre. Veux-tu que je te lise cette lettre? Cher Figaro, je te remercie pour ta lettre et me réjouis que dans notre divorce, tu te considères aussi comme une des parties fautives. Mais je ne crois pas que tu veuilles tout réparer, car tu es la dernière des ordures. Je ne retournerai pas auprès de toi, mon cher Figaro, car ce qui a été un jour divorcé doit rester divorcé et nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne m'écris plus, je ne veux plus jamais te revoir. Car je te hais et te méprise. Salutations, Suzanne. Figaro, ils sont en train de casser les vitres. Je vais te leur frotter les oreilles. Calme-toi, je leur ai permis de casser des vitres. Tu leur as permis? Je leur ai permis de casser des vitres à condition qu'ils ne parlent plus de politique. C'en est trop. Oui, là, c'en est vraiment trop, là. Et alors, qu'en dis-tu? Ma lettre est enfin arrivée. Je lui ai déjà dit bonjour. Ciel! Monsieur le comte! Ah, mon bon vieil Antonio. Toujours en vie? Ah, plus pour longtemps, monseigneur, plus pour longtemps. Ah, ça, de toute façon. Là, il manque le grand sapin, là-bas. Ah, c'est la foudre qui l'a frappé. Ah, me voilà rassuré. Je craignais que vous ne l'ayez abattu. Bon, les bancs sont toujours à l'ombre des arbres. Les arbres toujours à leur place. Et les prés, eux aussi, sont restés au pays. Figaro. Monseigneur Désir. Suis-je libre pour de bon? Bien sûr, monsieur le comte. Et je pourrais à nouveau occuper ma chambre? Bien sûr, monsieur le comte. Oh. C'en est fini de la révolution? Au contraire, monsieur le comte. C'est maintenant que la révolution triomphe. Dans la mesure où elle n'a plus besoin de poursuivre des hommes qui, pour être ses ennemis, n'y sont en vérité pour rien. Figaro!